c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le podcast de l'Avent, un podcast sonore où chaque jour nous découvrons une surprise. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre. Oh là là, on n'a jamais été aussi proche de Noël, ça se sent. Moi, j'ai mis mon gros manteau parce que quand je sors dehors en Laponie, il fait froid. Et je pense que chez vous aussi, vous sentez déjà l'air de l'hiver arriver. Allez, on ouvre la case numéro 14 et on retrouve un habitué. Salut les amis! Salut, c'est Titou. Ah, on aime beaucoup te retrouver ici dans le podcast. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, c'est un numéro classique, c'est une case classique, mais une bêtise peu ordinaire. Quelle est la bêtise que tu veux raconter au micro? La bêtise que j'ai faite, c'était pendant le marché de Noël, j'ai coupé l'électricité et tout s'est éteint et du coup, bah, les gens se sont retrouvés dans le noir et du coup, ils se sont renversés leur chocolat chaud sur eux et le Père Noël s'est renversé le chocolat chaud sur la barbe. Il avait la barbe pleine de chocolat. C'était vraiment drôle. Et je me souviens même que le marchand de chichi, bah, il a oublié de remonter ses chichis qui étaient tous grillés. Et en plus, je crois qu'on n'a pas réussi à remettre le courant tout de suite. Oui, ça a pris très longtemps à réussir à remettre le courant. Et quand le Père Noël s'est aperçu que c'était nous qui avions fait ça, oh là là là là, il était en colère. Oui, mais on en a profité aussi pour faire un grand feu le temps que l'électricité revienne. Et ça, un grand feu sur la place du village, au milieu du marché, ça a été un souvenir super sympathique. Et on a fait griller des chamallows. Oui, les fameux chamallows de Noël. Donc, finalement, une bêtise qui a donné un bon moment convivial, chaleureux, les moments qu'on aime, les moments qu'on aime en cette période de Noël. Eh ben, merci pour cette bêtise, Titou. Et je te dis à très bientôt parce que t'es vraiment une vedette dans ce podcast. Salut tout le monde! Salut les amis!